Histoire de Jésus-Christ, d'après les évangiles, est la tradition expliquée à l'aide des monuments, de la description des lieux, et de commentaires des écrivains ecclésiastiques, par M. l'abbé Jean-Jacques Bourassé. Tourmam et compagnie, 1862. Markendanarchive.org, d'après booksgoogle.fr. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Introduction 1. Authenticité des saints évangiles. Il n'y a pas au monde de livre plus authentique que celui qui renferme la vie et les enseignements de Jésus-Christ. La Providence a voulu, pour la consolation des chrétiens, que les évangiles apparussent aux yeux de l'univers, à la fois comme l'ouvrage le plus vénérable sous le rapport religieux, et le plus inattaquable sous le rapport de la certitude historique. Ici la critique la plus exigeante n'a rien à reprendre. Tous les trésors de l'érudition ont été épuisés dans les questions sans nombre relatives à ces textes importants. Chaque phrase, chaque mot, pour ainsi dire, ont été l'objet d'une étude approfondie. Rien ne manque à la conviction du savant, ni à la sécurité des âmes simples. La vigilance de l'Église a gardé ce dépôt précieux, le respect constant de la société chrétienne, la jalousie même des hérétiques et la haine de nos ennemis en ont assuré la parfaite intégrité. Que d'obstacles se seraient opposés au dessein de corrompre ou d'altérer l'histoire de l'Évangile. Les copies en étaient répandues dans toute la terre, une multitude de nations diverses la respectait comme un monument divin, elle était entre les mains de tous les fidèles. Chacun y trouvait le titre fondamental de sa grandeur et de ses espérances, on la lisait sans cesse dans les familles, dans les maisons particulières, et dans les assemblées publiques de religion. Et ne résulte-t-il pas manifestement de la réunion de toutes ces circonstances que les Écritures du Nouveau Testament n'ont eu rien à redouter, ni de la révolution des siècles, ni des entreprises de la nouveauté. Monseigneur l'archevêque de Lyon, Instruction pastorale page 96 de l'édition In 4o. En lisant l'Évangile, nous sommes donc assurés de connaître les principaux traits de la vie de Jésus-Christ. Tous les faits sont rapportés par des témoins oculaires, dont la sincérité est à l'abri de tout soupçon. Je crois volontiers, dit Pascal, des témoins qui se laissent égorger. La narration évangélique présente un caractère de vérité qui frappe tout esprit juste et entraîne les plus rebelles. Écoutons ce qu'en dit un des coryphées de la philosophie moderne. Je vous avoue que la majesté des Écritures m'étonne, la sainteté de l'Évangile parle à mon cœur. Voyez les livres des philosophes avec toute leur pompe, qu'ils sont petits près de celui-là. Se peut-il qu'un livre à la fois si sublime et si simple soit l'ouvrage des hommes? Se peut-il que celui dont il fait l'histoire ne soit qu'un homme lui-même? Est-ce là le ton d'un enthousiaste ou d'un ambitieux sectaire? Quelle douceur, quelle pureté dans ses mœurs, quelle élévation dans ses maximes, quelle profonde sagesse dans ses discours, quelle présence d'esprit, quelle finesse et quelle justesse dans ses réponses, quel empire sur ses passions. Où est l'homme, où est le sage qui sait agir, souffrir et mourir sans faiblesse et sans affectation? Mais où Jésus avait-il pris chez les siens cette morale élevée et pure dont lui seul a donné les leçons et l'exemple? Jean-Jacques Rousseau, Émile, livre 4. 2. But et plan de cet ouvrage. La religion n'a pas d'ennemi plus redoutable que l'ignorance. En tout temps, les hommes les plus éclairés ont été les plus religieux. Parmi ceux, trop nombreux aujourd'hui, qui affectent l'indifférence en matière de religion, combien y en a-t-il qui aient, je ne dirais pas étudié, mais lu attentivement l'Évangile? Faut-il l'avouer, combien peu de chrétiens ont habituellement ce livre sacré entre les mains? Autrefois on commençait l'éducation des enfants en leur mettant sous les yeux le livre des évangiles. Parvenus à l'adolescence, ils en nourrissaient leur esprit et enrichissaient leur mémoire des pages les plus intéressantes. Arrivés à l'âge mûr, ils ne cessaient pas de relire et de méditer les sublimes leçons qu'il contient. Tous, dans les différentes positions de la vie où les plaçait la divine providence, trouvaient l'occasion d'y cueillir, suivant un mot heureux de saint Jérôme, des fleurs célestes de vérité qui récréaient charme l'esprit. Pourquoi cette excellente tradition serait-elle interrompue? C'est pour aider à mieux comprendre l'Évangile que nous avons composé cette histoire de Jésus-Christ. Nous avons suivi fidèlement et pas à pas le récit des évangélistes, en nous aidant des meilleurs travaux publiés sous le titre de Concordance ou d'Harmonie évangélique. En racontant les faits historiques, nous avons donné une courte description des lieux où ils se sont passés. Le lecteur, ainsi, pourra aisément se transporter en imagination sur le théâtre de ces grands événements. Peut-être, grâce à ce moyen, retiendra-t-il plus facilement le souvenir des actions du Sauveur et des enseignements qui s'y rapportent. Si l'on attache communément tant d'importance à connaître les plaies où se livrèrent les luttes sanglantes qui plus d'une fois changèrent l'état des empires, à plus forte raison devons-nous désirer d'avoir sous les yeux ce tableau des villes, des bourgades, des montagnes, des vallées, des déserts, des rivages du Jourdain ou de la mer de Galilée si souvent visités par notre Seigneur. En agissant ainsi, notre intention a été de placer à côté du texte sacré une espèce de commentaire, le plus simple et souvent le plus clair de tous. Nous avons plus d'une fois mis à profit les travaux des savants et pieux commentateurs qui ont éclairci quelques passages obscurs. Leurs recherches ont jeté beaucoup de lumière sur l'ordre chronologique des faits. À l'exemple de plusieurs de nos devanciers, nous leur avons fait de fréquents emprunts, sans citer les sources. Comme eux, nous pensons que ces notions précieuses constituent un bien de famille, dont le premier fond, venant des pères, a été augmenté successivement par les écrivains ecclésiastiques de tous les âges. Il est de notre devoir de déclarer ici que notre livre ne contient pas uniquement le texte des évangiles. La rédaction de l'histoire de Jésus-Christ, quand elle s'écarte de ses pages inspirées, ne mérite pas une confiance plus grande que d'autres ouvrages sérieux et dignes de foi. L'œuvre divine ne doit jamais être confondue avec l'œuvre humaine. Nous avons eu soin de distinguer les expressions de l'écrivain sacré, en les plaçant entre guillemets. Pour le reste, nous nous sommes appliqués constamment à marcher sur les traces des docteurs catholiques, et nous soumettons humblement ces pages au jugement de l'Église. 3. Question relative à la personne de Jésus-Christ. Nous n'avons pas cru pouvoir faire entrer dans le corps de cette histoire, par respect pour la narration empruntée aux saints évangiles, plusieurs questions curieuses relatives à la personne de Jésus-Christ, quoique en elles-mêmes fort intéressantes. Ces questions trouveront ici une place convenable. Nous tracerons d'abord le portrait de notre Seigneur, d'après les historiens et les monuments archéologiques les plus anciens. Viendront ensuite des indications sur les parents de l'homme-Dieu, et enfin une note sur sa double généalogie, donnée, l'une par saint Matthieu, et l'autre par saint Luc. 4. Portrait moral. Reproduisons, au début, le tableau dû à l'abbé Fleury. Sous un extérieur simple, dit-il, et qui n'avait rien de singulier, Jésus-Christ conservait une merveilleuse dignité. Ses manières étaient aisées, naturelles et vives, son geste animé et expressif, sa présence imprimait le respect et commandait l'attention, son discours était simple, clair, sans autre ornement que des figures vives et naturelles qui ne manquent jamais à celui qui est bien persuadé, et qui sont les plus efficaces pour persuader les autres. Sa vie était dure et laborieuse, mais sans austérité particulière. Il mangeait comme les autres, buvait du vin, et ne faisait point difficulté de se trouver à de grands repas, comme aux noces de Cana, au festin de Saint Matthieu. Il était très sérieux. On le voit pleurer en deux occasions, l'une, à la mort de Lazare, son ami, l'autre, en déplorant le sort qui attendait à Jérusalem, mais il n'est pas dit qu'il ait ri, ni même souri. Il n'était point étranger aux sentiments naturels. Il était attaché, mais sans faiblesse, à ses parents et à ses amis, compatissant aux misères humaines et aux besoins de ses semblables. Il montrait de la tendresse aux petits-enfants, les faisait approcher de lui, leur imposait les mains et les embrassait, pour recommander l'innocence, la simplicité et l'humilité. Il était de facile accès aux malades, indulgent pour les pécheurs disposés à se convertir. Il montrait pour ceux-ci de la condescendance jusqu'à se prêter à manger avec eux, jusqu'à souffrir qu'une femme lui parfumât les pieds, ce qui semblait une délicatesse fort opposée à sa vie pauvre et mortifiée. Sa modestie était extrême, comme on le voit par l'étonnement que témoignèrent ses disciples de le trouver conversant avec la Samaritaine. Mais ses ennemis n'ont jamais osé inventer aucune calomnie qui attaquât sa pureté. Il regardait les gens en face, comme on le voit par ce jeune homme qu'il prit en affection pour la bonne volonté qu'il témoignait. Souvent il étendait la main en signe d'autorité, et faisait quelque autre geste marqué. Quelquefois, par ses regards et par ses paroles, il faisait paraître de l'étonnement, de l'indignation, de la peine à souffrir l'incrédulité des hommes, mais son caractère dominant était la douceur et l'indulgence. On en voit un exemple admirable dans l'histoire de la femme adultère. Il a éprouvé comme nous toutes les incommodités de la vie, la faim, la soif, la lassitude, la douleur, mais on ne voit pas qu'il ait été malade. Au jardin des Olives, il est sensible comme les autres hommes à la tristesse. Dans sa passion, il souffre avec une constance invincible, sans se défendre, sans résister, sans rien refuser à ceux qui le tourmentent. Il demeure comme un rocher inébranlable, exposé aux coups et aux outrages. Son silence surtout est admirable. Enfin, sur la croix et dans les horreurs du supplice, il conserve la liberté d'esprit tout entière, et même la tranquillité. Il prie pour ses bourreaux, il récompense la foi du bon larron, il pourvoit à la consolation de sa mère, il achève d'accomplir les prophéties, il recommande son esprit à Dieu, et il expire. Tel fut Jésus-Christ comme homme. Fleury, Mœurs des chrétiens, Recherche historique sur la personne de Jésus-Christ, page 30. 5. Très ajouté par Saint Laurent Justinien. Le portrait qui précède est plutôt moral que physique. Nous le compléterons par les lignes suivantes empruntées à l'un des traités pieux de Saint Laurent Justinien, premier patriarche de Venise. Qui jamais a été plus beau que Jésus-Christ? Qui a été plus modeste ou plus sage? Il était admirable dans ses mœurs, grave dans sa démarche, éloquent dans ses discours, circonspect dans ses paroles, sévère dans ses corrections, persuasive dans ses exhortations, agréable dans sa conversation, vénérable dans toute sa conduite. Son regard était plein de bonté et de modestie, l'humilité, la douceur le rendaient aimable à tout le monde. Ses lèvres étaient comme des lys d'où coulait le lait et le miel, et qui répandaient les paroles de la vie éternelle. Sa bouche proférait ce qui était caché au fond de son cœur. Il consolait les affligés, il embrasait les tièdes, il ressuscitait les morts, il instruisait les infidèles, il gagnait les cœurs de tous ceux qui l'approchaient. Qui ne serait pénétré d'amour s'il avait le bonheur de voir marcher le Verbe fait chair, la sagesse incarnée, le Fils unique du Père, conversant avec les pécheurs? In, de Casto Conubio. 6. Portrait physique. Nicéphore Calixte donne une description détaillée de la personne de Jésus-Christ, au 11e chapitre du premier livre de son histoire ecclésiastique. Voici, dit-il, le portrait de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après ce que nous en ont appris les anciens, est tel à peu près qu'on peut le rendre dans une description par écrit et toujours imparfaite. Son visage était remarquable par sa beauté et par son expression. Sa taille était de 7 palmes au moins, 1,75 m environ. Ses cheveux tiraient sur le blond, il n'était pas fort épais, mais un peu crépus à l'extrémité. Ses sourcils étaient noirs, mais pas exactement arqués. Ses yeux, tirant sur le brun et pleins de vivacité, avait un charme inexprimable. Il avait le nez long, sa barbe était blonde et assez courte, mais il portait de longs cheveux, jamais le ciseau n'a passé sur sa tête. Nulle main d'homme ne l'a touché, si ce n'est celle de sa mère, lorsqu'il était encore enfant. Il penchait un peu la tête, et cela lui faisait perdre quelque chose de sa taille. Son teint était à peu près de la couleur du froment. Son visage n'était ni rond, ni allongé, il tenait beaucoup de celui de sa mère, surtout pour la partie inférieure. Il était vermeil. La gravité, la prudence, la douceur et une clémence inaltérable se peignaient sur sa figure. Enfin, il ressemblait en tout à sa divine et chaste mère. 7. Peinture des catacombes. Il est aisé de comprendre que, dès les premiers temps du christianisme, le pinceau est cherché à fixer par la peinture des traits que la tradition, récente encore, n'avait pas oubliés. On ne saurait douter que des images de ce genre aient circulé entre les mains des fidèles, puisque nous voyons, au commencement du IVe siècle, la princesse Constantia, sœur de l'empereur Constantin, demandait à Eusèbe, évêque de Césarée, de lui procurer un portrait du Sauveur. Les plus anciennes figures représentant Jésus qui soient arrivées jusqu'à nous, se trouvent dans les catacombes de Rome. Elles ont été relevées avec soin et publiées plusieurs fois par les antiquaires romains. Celle du cimetière de Saint-Calixte est particulièrement célèbre, elle se trouve gravée dans un ouvrage de Botari. Aucune cependant ne l'emporte sur celle qui se trouve reproduite à l'aide du dessin dans le grand ouvrage sur les catacombes de Rome, par Monsieur Perret d'après un bas-relief en terre cuite, tête de profil d'une distinction inexprimable. Toutes ces images, malgré des différences de détails assez notables, se rapportent évidemment à un même type. Nous devons ajouter que ce type, fixé de si bonne heure, n'a jamais varié depuis chez les peintres byzantins et s'est continué, en Italie et dans le reste de l'Europe, jusqu'à l'époque de la Renaissance, au XVIe siècle, dans les tableaux des vieux peintres chrétiens. Le Sauveur des hommes s'y montre avec ce visage de forme ovale légèrement allongée, cette physionomie grave, Recueillie, douce et mélancolique, cette barbe courte et rare, ses cheveux séparés sur le milieu du front qui retombent sur les épaules, que tous s'accordent à regarder comme les traits distinctifs de sa figure. Les archéologues connaissent encore d'autres portraits de notre Seigneur gravés sur pierres fines ou sur des pièces de monnaie en or et en argent, sans parler des images auxquelles une pieuse croyance attribue une origine miraculeuse. On y reconnaît toujours le type généralement adopté. 8. Des parents de l'homme-Dieu. On voit, d'après ce qui précède, que nous pouvons admettre, avec une probabilité voisine de la certitude, la ressemblance, quant aux traits principaux, du portrait de notre Seigneur. La piété, et non une simple curiosité, trouve dans ce fait une légitime satisfaction. Nous sommes mieux renseignés encore sur les parents du Sauveur, quoique plus d'une difficulté n'ait pas été entièrement résolue en ce qui concerne le degré de parenté de quelques-uns de ces saints personnages. Les évangélistes, en effet, sont extrêmement concis dans leurs récits. Ils ne prennent pas la peine de préciser des faits connus de tous en leur temps, leur langage, faute d'interprètes contemporains, laissera toujours une obscurité impossible à dissiper entièrement aujourd'hui. Jésus, étant né de la Vierge Marie, a pour parents, dans son humanité, ceux de sa Sainte Mère, sans parler de ceux de Saint Joseph, son père adoptif, que la loi reconnaissait également comme ses proches. Consultons les évangiles. Sans mentionner les aïeux de Marie, fille de David, comme Joseph, sans nommer Saint Joachim, père de Marie, et Sainte Anne, sa mère, nous trouvons, avec la qualité de parents à différents degrés, les personnages suivants. Sainte Élisabeth, épouse de Zacharie, était nièce de Sainte Anne, mère de la Vierge, et par conséquent cousine germaine de Marie. Saint Jean-Baptiste, son fils, était cousin issu de Germain du Sauveur. Zébédée, père de Saint Jacques le Majeur et de Saint Jean l'Évangéliste, épousa Marie Salomé, nièce de Sainte Anne, ou de Saint Joseph, suivant quelques auteurs. Il était donc comme le prêtre Zacharie, par sa femme, cousin germain de la Sainte Vierge, et ses enfants étaient parents de Jésus au même degré que Jean-Baptiste. On sait que Jésus avait une affection particulière pour Jean l'Évangéliste, que les historiens sacrés appellent le disciple bien-aimé. Saint Matthieu et Saint Marc désignent comme frères de Jésus-Christ, Jacques le Mineur, Joseph ou José, Simon et Jude. Mais comme ces mêmes évangélistes nomment plusieurs fois la mère de ces quatre personnages, il ne saurait être douteux pour personne qu'ils n'étaient pas les frères proprement dits du Sauveur, suivant une manière de parler usitée chez les Juifs, et même chez la plupart des peuples de l'Antiquité, on traitait de frères les cousins germains. Ils étaient fils d'Alphée ou Cléophas et de Marie, sœur ou belle-sœur de Saint Joseph, que l'Écriture désigne sous le nom de Marie Cléophée, c'est-à-dire Marie-femme de Cléophas. Cette sainte femme est appelée sœur de la Sainte Vierge par l'Évangéliste. Quand les Juifs donnent le nom de frère à des cousins germains, faut-il s'étonner qu'ils appellent sœur une belle-sœur? Dans le même endroit de l'Évangile où il est question des frères de Jésus, on parle aussi de ses sœurs, mais elles ne sont pas nommées. L'opinion la plus probable est qu'elles étaient au nombre de deux, filles de Cléophas et de Marie Cléophée. L'une serait devenue la femme de Zébédée, sous le nom de Salomé, et l'autre serait désignée vaguement dans l'Évangile sous le nom d'Altera Maria, l'autre Marie. Tous ces saints personnages étaient pauvres et gagnaient leur vie par le travail des mains. La science, pas plus que la richesse, ne leur donnait aucune considération parmi leurs compatriotes. Aussi les habitants de Nazareth, connaissant la famille de Jésus, dont tous les membres vivaient au milieu d'eux, étaient-ils étonnés, scandalisés même, suivant l'expression de l'Écriture, en écoutant les discours sublimes du Sauveur au sein de la synagogue. N'est-ce pas là, disait-il, le fils du charpentier, charpentier lui-même? Jésus leur répondit, un prophète n'est sans honneur que dans son pays, dans sa maison et parmi ses parents. Nous devons ajouter, avant de finir, que tous les auteurs ne sont pas pleinement d'accord dans l'explication des faits que nous venons d'exposer. Sans entrer dans de longs détails au sujet des dissertations écrites sur cette même matière, nous avons présenté l'opinion la plus vraisemblable, que nous adoptons à la suite des plus savants écrivains ecclésiastiques. 9. Note sur les deux généalogies données l'une par saint Matthieu et l'autre par saint Luc. Les évangélistes saint Matthieu et saint Luc rapportent deux généalogies différentes du Sauveur. Remarquons d'abord que les deux séries ont un point de départ commun à David, roi de Juda. Depuis ce prince jusqu'à la naissance de Jésus, elles se réunissent deux fois. Deux fois, par conséquent, elles montrent des ancêtres communs dans l'une et l'autre branche. La première série descend de David par Salomon, la seconde, du même David par Nathan, son fils aîné. Comment concilier ces deux généalogies? Y a-t-il contradiction dans le récit des écrivains sacrés? La question est facile à résoudre. Si l'on accepte l'opinion généralement reçue que la généalogie selon saint Matthieu regarde les ancêtres de saint Joseph, et celle selon saint Luc, les ancêtres de la Sainte Vierge. Il est impossible de ne pas admettre cette opinion, si l'on fait attention aux expressions employées par les deux historiens. Les évangélistes sont parfaitement d'accord sur la naissance miraculeuse de Jésus. Ils professent l'un et l'autre la maternité virginale de Marie. Lorsque saint Luc reproduit la généalogie de Jésus, il nous prévient que le Sauveur passait pour fils de Joseph. Il ne va donc pas donner la liste des aïeux de celui qui l'avoue n'être pas le père. Il fera connaître les ancêtres de Marie, mère de Jésus. Remarquez, en effet, de quelle manière il parle, et ipse Jésus, ut putabatur, filius Joseph, qui fuit Élie, etc. En séparant chaque membre de phrase, comme elle l'a fait, la Vulgate détermine le sens du texte. En sorte qu'il faut traduire Jésus, fils de Joseph, comme on le croyait, et qui le fut d'Élie, de Matha, etc. Ce qui confirme cette même manière d'entendre le passage de saint Luc, c'est que le père de Marie se nomme Éliachim, par abréviation Élie, autrement Joachim, Joachim, nom synonyme et différent seulement dans l'orthographe. Ainsi nous savons que Jésus, par Marie, est de la race de David, selon la chair. Il descend directement de ce prince, selon la promesse de Dieu. En prenant naissance dans le chaste sein de la Vierge, l'homme Dieu a dans ses veines le sang de David, il est l'héritier du trône de David, son père, il régnera sur la maison de Jacob dans l'éternité. Ce sont les paroles de l'ange annonçant à Marie l'incarnation du Verbe. Puisque la généalogie de Jésus, du côté maternel, le seul qui nous importe, est établi par un des évangélistes, à quoi bon un autre évangéliste donne-t-il la généalogie de saint Joseph? Il est aisé de répondre à cette question. C'est que, chez les Hébreux, on n'avait pas coutume d'écrire la généalogie des femmes. Comme chef de la famille, Joseph en possède les prérogatives. En sa qualité de père nourricier du Sauveur, il lui transmet ses privilèges. Chez les Juifs, comme chez la plupart des peuples, le fils adoptif jouit des mêmes droits que le fils selon la nature. Ainsi, aux yeux des Juifs, Jésus est bien fils de David. Il est descendant de David selon le titre légal, qu'il tient de Joseph. Il l'est réellement par sa mère, laquelle appartient à la race royale. Joseph et Marie sont de la tribu de Juda. Ils sont également de la famille du roi prophète. L'évangéliste le déclare ouvertement quand il dit, à l'occasion du recensement général de l'Empire romain, que les deux époux allèrent ensemble à Bethléem de Juda pour faire leur déclaration, attendu, ajoute-t-il, qu'ils étaient tous deux de la maison et de la famille de David. Ainsi les prophéties trouvent manifestement en Jésus-Christ leur dernier accomplissement. La généalogie légale comme la généalogie naturelle démontre qu'il est le descendant d'Abraham et de David. Cette constatation était importante, aussi ne laisse-t-elle rien à désirer. Nul doute ne subsistait dans la pensée des Juifs contemporains du Sauveur. Souvent nous entendons retentir ces paroles, « Jésus, fils de David, ayez pitié de nous ». Admirons les desseins du Saint-Esprit, lorsqu'il inspirait à saint Matthieu la pensée d'écrire la généalogie de saint Joseph, et à saint Luc celle d'établir la généalogie de Marie. L'état du Sauveur ne peut être sujet à la moindre incertitude. En sa personne finissent les deux branches dont David est la tige. Jésus est par excellence le fils de David.